êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Bonsoir, vous êtes à l'émission Transjonal de Radio Air Libre, qui se passe tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h, et le vendredi soir, c'est rediffusé à Radio Air Libre à 21h. Mais ce soir, nous ne sommes pas en studio, ce mercredi soir 23 octobre, parce que nous avons prévu un reportage avec comme sujet les MENA en Belgique. Les MENA, c'est des mineurs étrangers non accompagnés. Et pour ce reportage, on a fait appel à une copine qui a interviewé pour nous une tutrice, une avocate et deux travailleurs sociaux à Bruxelles. Et ce reportage, elle commence avec la tutrice, ensuite l'avocate et après les deux travailleurs sociaux. Bonne écoute. Je suis tutrice depuis un peu moins de deux ans actuellement. J'ai sept mineurs en tutelle. Oui. Et alors les mineurs, leur âge c'est entre 9 ans et 18 ans. Donc c'est aussi bien des tout petits que des adolescents pratiquement adultes. Et donc il y en a qui habitent en famille et cela concerne principalement les enfants. Et habitent en famille et d'autres habitent dans des centres faits d'asile un peu dans toute la Belgique. Ok. Comment ça se fait que tu as un MENA de 18 ans et que tu as encore son tuteur? Non, c'est jusqu'à 18 ans. Ah, hein. Okay. Donc un MENA, par exemple, parfois on a des tutelles, on nous demande d'être tuteur d'un jeune qui dans 3 mois aura 18 ans. T'as voilà. Eu ça? Oui. Et qu'est-ce que tu fais alors dans 3 mois? Ben, ça dépend du profil du jeune. En général, on introduit quand même une procédure. Pour même si on sait par exemple qu'il y a peu d'espoir, on introduit la procédure pour lui et on le prépare aux suites éventuellement. Si on sait que la procédure ne fonctionnera pas, on le prépare un peu aux suites, c'est-à-dire ce qu'il pourra faire, même en vivant dans l'illégalité, qu'est-ce qu'il pourra espérer, vers qui se tourner éventuellement ou chercher de l'aide. Voilà. Ça, c'est le rôle du tuteur, voilà. Donc, même dans des cas où la procédure est impossible, pratiquement, ou vouée à l'échec, en tout cas. Et ça, on te dit auparavant, le service de tutelle dit... Non. Ah non, c'est avec l'expérience. Non, on dit... Ben, non, c'est toujours à l'appréciation du tuteur, mais en gros, on introduit quand même la procédure, okay. Au cas où... Oui. Et dans les MENA comme ça, tu peux choisir? A priori, non. Parfois, tu peux refuser quand tu n'as vraiment plus le temps ou aussi quand c'est trop loin, éventuellement. Mais bon, il faut savoir que même si tu t'occupes de MENA qui sont a priori sur Bruxelles ou à un certain périmètre autour de Bruxelles, ils sont souvent déplacés. Donc, par exemple, tu te retrouves avec un MENA qui est à Bovigny. Voilà, j'en ai un qui est maintenant à Bovigny, c'est loin de Bruxelles, hein, c'est 200 km. Et donc voilà. Ok, et tu as aussi des MENA qui vivent dans des familles. Oui. Ça veut dire que c'est les grands-parents ou les oncles ou tantes ou... C'est plutôt de la famille un peu plus éloignée. C'est vraiment, les cas sont tellement variables que c'est vraiment... Oui, et... Il y en a qui sont orphelins chez eux, recueillis par une famille ici, voilà, qui veut bien s'occuper d'eux, une famille même éloignée, parce qu'ils sont vraiment orphelins, complet, enfin je veux dire dans leur pays, soit ils ont, les parents les ont abandonnés, laissés sous la garde de quelqu'un, enfin voilà. Et la famille ne peut pas devenir tuteur alors? Ben normalement la famille a priori pourrait, non, en fait non, voilà, parce que ton pupille ne peut pas habiter chez toi. Donc non, a priori pas, c'est comme ça. Okay. Moi même je ne peux pas les héberger par exemple, ça c'est vraiment une condition très formelle, que même s'ils se trouvent dans une situation assez délicate, il faut qu'on essaye d'appeler des centres d'hébergement d'urgence, mais on ne peut pas normalement, hein, je veux dire, les héberger chez nous. Okay. Maintenant, ils peuvent faire peut-être famille d'accueil, mais ça c'est tout à fait autre chose, voilà. Et de quelles origines ils viennent? Ben ils viennent... un peu partout, hein. Ils viennent par exemple de Syrie, ils viennent d'Afrique, du Congo, de la Guinée, du Burundi, j'en ai un du Kyrgyzstan aussi. Ah, ben avant de revenir sur les MENA, peut-être juste vite une petite explication. Quelle était ta motivation pour toi de devenir tutrice et puis quelles sont les procédures à prendre pour devenir tutrice ou tuteur? Oui, donc les procédures, il faut en fait s'adresser au ministère de la Justice qui cherche des tuteurs. Et c'est le service des tutelles qui organisent d'abord un entretien, donc ils voient les candidats tuteurs pour voir voilà, justement leur motivation. Puis s'ils sont acceptés, on a une formation de 1 semaine. 1 semaine, et puis c'est quand même une formation continue, donc il y a des formations pendant toute l'année qui sont organisées pour les tuteurs sur différents sujets. Ça veut dire aussi que chaque fois que tu as besoin d'un conseil ou un soutien, tu peux t'adresser aussi au service de tutelle. Il y a une branche, il y a des personnes de contact Oui, qui sont en charge il pour y a les des tuteurs. personnes de contact au service des tutelles. Il y a aussi des personnes de contact à Caritas. Ok. Oui. Et à Caritas, ils ont des tuteurs. En fait, ils ont des tuteurs professionnels. Et donc, oui, ils ont de l'expérience là-bas. Mais je les Et toi contacte alors, on souvent. t'appelle comment? Eux, ils ont des tuteurs professionnels et toi, tu as un tuteur Ben, nous, on est des civil? tuteurs bénévoles. Ah, ok. Ça veut dire aucune rémunération Le remboursement des frais. des déplacements. Oui, enfin de tous les frais, Ok. ouais. Mais bon, ce n'est pas vraiment une rémunération. Ouais. C'est pas un salaire. Non. Et qu'est-ce que t'as motivé pour devenir tuteur il y a 2 ans? C'était une volonté d'aider des personnes qui étaient quand même en situation difficile. Une fois que moi j'ai une situation un peu stable, je peux aider d'autres qui sont dans une situation un peu plus compliquée. On se sent plus utile à ce moment-là. Et quelles sont tes charges, tes responsabilités? Qu'est-ce qu'un tuteur doit faire? Voilà, quelles sont les obligations d'un Bon. tuteur pour les personnes qui n'ont jamais rencontré un tuteur? Ben, les obligations d'un tuteur sont assez larges et cela dépend vraiment des cas. Mais bon, dans un premier temps, le tuteur doit suivre toute la procédure de séjour du MENA. Donc en général, il y a différentes procédures, dont notamment la procédure d'asile. Donc il doit accompagner le MENA, il doit lui trouver un avocat, il doit aller aux entretiens avec l'avocat, il doit aller aux autres entretiens, à l'Office des étrangers, au CGRA. Donc voilà, il accompagne vraiment le pupille. Il doit aussi le préparer aux entretiens, donc il le voit en dehors. Il suit aussi sa scolarité, donc voilà, il peut assister aux réunions des parents d'élèves, il peut, voilà, ou s'il y a un problème d'absence, l'école le contacte pour régler ce problème. Donc c'est un peu les attributs des parents, disons. Après, il suit aussi tout ce qui est de l'aide matérielle pour le mineur. Donc, il a un contact avec les CPS. Éventuellement, l'aide psychologique. Il met le mineur en contact avec des psychologues ou des associations. Voilà. Et puis aussi, bon, bien sûr, psychologique dans le sens où il écoute et il est comme. Voilà. Donc, il voit un peu le problème des jeunes qui sont seuls, qui sont perdus parfois. Cela dépend. Donc, voilà. Ça dépend des cas. Hein. Par exemple, les jeunes qui sont en famille. Ils ont peut-être moins ce besoin parce qu'ils ont une famille qui s'occupe d'eux. Maintenant, les jeunes qui sont dans des centres ou qui habitent tout seuls, par exemple, là, oui, par exemple, ils ont plus besoin d'un contact. Ça doit être difficile de parfois établir un contact avec un jeune où on est devenu sa tutrice ou son tuteur, quelqu'un complètement inconnu, de comprendre les systèmes belges. Ah, maintenant j'ai une tutrice et elle prend en charge. Ça, mais je la connais pas, et peut-être qu'il y a parfois aussi une barrière de la langue. Pas tous Syriens parlent français, non? Oui, ben on a pour la langue, on peut avoir recours à des interprètes, voilà, via certaines associations sociales d'interprètes. Et donc voilà, quand le jeune ne parle pas du tout la langue. Donc ça c'est bien, par contre ils ne sont pas toujours disponibles tout de suite, donc on est vraiment tributaire, on doit attendre et on ne peut pas directement aller rencontrer le jeune quand on le voudrait ou aussi vite. La méfiance, je veux dire que là, la confiance se construit et quand ils voient qu'on les suit quand même dans les démarches, ils prennent, je dirais, vite confiance. Maintenant, tout dépend aussi de la personnalité, du vécu de tout un chacun. Enfin, ça, c'est vraiment, je pense que ça ressemble énormément au travail social que l'on a même en Belgique avec des jeunes belges. Donc voilà, ils sont très différents et donc. C'est difficile parfois de vraiment faire de décrire des caractéristiques, voilà. Il y en a qui font confiance tout de suite. Ça dépend, vraiment ça dépend. Et les enfants, alors parfois après il y a la famille, c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour qu'ils prennent confiance, mais ça on le comprend. Et avec le temps, ils prennent confiance, surtout quand ils voient qu'on les accompagne dans la procédure. Parce qu'on leur dit quand même, enfin moi je leur dis que je suis indépendante dans le sens qu'on n'est ni de la police, ni des services qui décident de leur séjour en réalité. Parce que nous, on ne décide pas, on peut les accompagner au mieux, faire en sorte qu'ils introduisent tous leurs documents, qu'ils soient préparés. Mais on ne décide pas. Mais ça, je peux m'imaginer, ça peut avoir aussi des situations très difficiles face à l'Office des étrangers ou les CGRA, où toi, tu peux pas t'exprimer comme tutrice. Tu peux dire quelque chose ou non face à l'entretien? Si, on donne toujours la parole à la fin, en général, au Ah, tuteur. ok, ça, Oui, je oui, savais oui. pas. Si, si, si, si, ça oui, quand même. Et puis, oui. Ou si on voit que le jeune, par exemple, est fatigué pendant l'audition, on peut proposer. De faire une pause, il n'y a pas de Très souci. bien. Tu as toujours eu des MENA où il n'y a jamais eu un doute sur l'âge qui était exprimé. Et alors, il y a eu les triplés tests et qui ont les triplés tests qui disent, ah non, celui-là, il est majeur et on a dû te retirer. Non, ça, j'ai jamais eu. Mais tu as eu Non. déjà des MENA qui sont devenus majeurs. Et c'est quoi Pas la suite? Ah, encore, pas pas encore. encore. Non. Ça, j'ai Ok, pas ça encore. va. Et a priori, normalement, le tuteur s'occupe du MENA jusqu'à ses 18 ans. Maintenant, je pense que tout dépend aussi de la situation. Et je suis sûre qu'on reste en contact avec la plupart, hein, disons, Tu des peux MENA. garder un contact par Oui, après. Ok. ah oui, ça oui, personne ne peut t'empêcher de garder Ok. le contact. Mais maintenant, tu ne peux plus le représenter, tu ne peux rien faire légalement, entre guillemets, pour lui. Donc. C'est pas mal les responsabilités que tu as. Et est-ce qu'au début, on te fournit au moins une liste avec des avocats à qui tu peux Oui. contacter On a des listes, on a des. Ça, c'est dans la Caritas qui le fait très formation? Ok. bien, ça. Oui, on a des fiches aussi sur les différentes procédures. Ok. Oui. Et la formation était complète. Et il y a toujours. Oui, les formations ont. Voilà, les formations qu'ils proposent au cours de l'année sur différents sujets sont très complètes. Et aussi, ils ont une permanence où je téléphone souvent et ça se passe très bien. Caritas, Bien. oui, nous Et suit très bien. tu Oui. dois payer pour tes formations ou... Non, Non, ok, non, ça va. non, non. Parce que c'est quand même, allez, Non. un tuteur qui fait bien son travail, les MENA, il va bien. Il est bien entouré, il est bien accompagné. Un tuteur, voilà, qui fait pas bien son travail pour différentes raisons, tu vois, ça peut être aussi juste par méconnaissance, voilà, avoir la difficulté de se retrouver dans l'administration belge, parce que c'est très complexe, hein. Est-ce qu'un MENA qui ne vit pas dans un centre a le droit au CPS ou pas? Oui, ça, en fait, on l'a pendant les Vas-y pour se formations. retrouver, tu On a vois. pendant les formations, après c'est vrai qu'on ne retient pas tout, mais bon, je veux dire, alors à ce moment-là, j'appelle la permanence Caritas pour des points vraiment bien précis. Mais bon, ce qui est vrai aussi, et ce que je remarque, et c'est une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas toujours des règles claires. Et donc c'est vraiment selon le cas. Alors qu'on nous dit oui, il a droit à ça ou il n'a pas droit à ça, et puis après, il s'avère que selon la commune où il vit, ça se passe différemment. Oui. Là, tu parles du CPS, Par par exemple. exemple, Par ou exemple. par exemple recevoir les cartes, parfois ça dure très longtemps, très très longtemps, voilà, on ne sait Les pas. cartes, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas suivre, les Ben, cartes. les cartes, ils ont eu une décision positive, normalement la commune doit leur délivrer une carte de séjour. Voilà, il y a différentes cartes, mais en gros c'est une carte de séjour et parfois ils attendent vraiment très très longtemps pour cela. Donc il y a, voilà, les délais parfois sont un peu difficiles. Et actuellement, tu suis cette MENA. Les préoccupations actuelles pour cette MENA sont plus ou moins dans le même stade de la procédure ou ça aussi, ça varie énormément? Ça varie parce que il y a beaucoup de procédures différentes et même en l'espace là de 2 ans, j'ai pu faire le tour de pratiquement toutes les procédures parce qu'il y a la procédure d'asile, la procédure spécifique MENA, la procédure de régularisation humanitaire. Après, il y a encore le regroupement familial pour des MENA qui font venir leurs Oui. parents. Ça aussi, je l'ai fait. Donc, Et ça il y avait prend de beaucoup de tout. temps, regroupement familial via MENA? Ou ça dépend des Je pays, ça pense que ça dépend. dépend des pays. Pour le moment, j'en ai un de Syrie, je ne sais pas. Oui, on verra bien. Oui, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va pas très vite, hein. Oui. Non, moi j'ai entendu 2 ans, 2 à 3 ans parfois même. Oui, ça, je ne sais pas. J'ai pas vraiment En encore de tout cas, procédure ceux qui sont aboutie. arrivés en Oui. 2015. Ils ont pu Oui. faire Oui. leur... Allez, les regroupements familiaux effectués où finalement il y avait maman et papa qui ont été là. C'était 2018. Ah oui. c'est quand même longue. Hein. Ouais. Longue, et puis où on s'est dit aussi, ça doit être énorme pour les parents. Mais aussi énorme pour les jeunes hein, qui se débrouillent à 1, 2, 3 ans toute seule et qui a une maturité, qui a dû être mature à beaucoup de points. Et en même temps, il est encore un enfant. Et s'est retrouvé face à des parents qui reprennent un peu l'obligation parentale sur place et pas en distance éloignée. Ça doit être des enjeux assez complexes. Oui. Et tout ça dans l'adolescence, et puis les vécus, les vécus dans les pays d'origine. Oui, bah oui, mais tout dépend aussi parce que quelque part, comment dire, ça le vécu, il y a le vécu déjà objectif de la guerre et tout cela, donc c'est voilà, des situations comme ça, mais il y a aussi des personnes dont le vécu familial est très difficile, alors que d'autres où l'entourage familial était très, très bon, voilà. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Mais ça, c'est comme partout, je dirais. Pas spécifiquement pour les ménages, c'est comme pour tous les jeunes. Donc ils peuvent avoir plus de stabilité en ayant un entourage stable, même s'ils ont vécu des choses difficiles. Ouais. Et d'autres qui ont peut-être vécu des choses, entre guillemets, moins difficiles, objectivement, du point de vue guerre, voilà. Mais dont l'entourage familial était beaucoup plus difficile. Et maintenant, tout dépend aussi de la résistance de la personne, de son caractère. Donc, c'est vraiment dur de faire des généralités sur ça. Ta source de soutien, quoi. Parce que ça prend beaucoup de temps dans la semaine. Oui, oui, ça prend beaucoup de temps. C'est variable. Et émotionnellement aussi, ça. Oui, quand même. Oui, on essaye de faire un peu la part des choses. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et... par exemple, les jeunes nous téléphonent un peu à tout moment, le week-end. Donc voilà, ce n'est pas vraiment encadré comme un travail. Je suis là de telle heure à telle heure. Souvent, je fais aussi des déplacements le week-end parce que c'est le seul moment où j'ai le temps vraiment de le faire. Donc voilà. Bien, le soutien, je pense que quand je vois quand même les familles contentes, les jeunes qui ont un peu quand même d'espoir, quand je les vois sourire, je pense que ça, c'est déjà un soutien. Maintenant, bon, moi, j'ai une situation familiale stable, donc c'est un soutien. Mais ça demande une super auto-organisation et une flexibilité, hein. Oui, surtout qu'on a parce que quand on a un pupille, deux pupilles, trois pupilles, oui, mais quand on en a beaucoup plus, là, surtout que chaque cas est différent. Il y a vraiment des enjeux très très différents et à chaque fois on se voit. Non, presque à chaque fois, on se voit face à quelque chose de complètement nouveau. Donc, voilà. Mais après, il y a encore d'autres associations, hein, je veux dire, qui nous aident quand même dans cela. Par exemple, le CESO, qui est pour... ça, par exemple, pour le regroupement familial. Donc, voilà, c'est des aides très concrètes pour nous aider à compléter les demandes de visa, enfin, des choses comme ça, voilà. Après, j'ai eu aussi contact avec le service des droits de la jeunesse aussi également. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'institutions qui s'en occupent. Et franchement, je n'hésite pas à les contacter et leur demander un soutien, de l'aide, des informations, parce qu'ils ont parfois plus de pratiques dans certaines... voilà. Parfois, même, ils ont connu déjà notre mineur avant que nous, on soit devenus tuteurs. Oui. Donc, déjà, je remarque quand même qu'il y a pas mal de mineurs qui sont déjà suivis par pas mal d'organisations. Oui. Donc, on n'est pas vraiment, vraiment tout seul. Voilà. Et, alors, pendant les formations, tu croises aussi d'autres tuteurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté bon des formations également. C'est qu'on peut... Parce que ça, c'est vrai que ça me manque. Parce que, bon, les tuteurs professionnels, ils se voient tous les jours, ils échangent leur... voilà. Et nous, on est un peu isolés dans ça, quelque part. Et on a... Oui, voilà. On n'a pas vraiment le temps aussi, l'occasion de vraiment voilà, se rencontrer, je pense. Et lors des formations, on se rencontre et ça, on partage. On parle beaucoup de nos tutelles, on partage. Ouais, c'est un peu comme on avait vraiment envie de partager et de voir. Et en même temps, bon, créer des groupes Facebook. Enfin, voilà, après, ça, c'est pas la même chose que de voir les gens comme ça en direct. Je crois qu'on a fait assez bien le tour de la thématique. Merci beaucoup. Merci. Ben, belle continuation à toi et pour tes jeunes. Merci. Que ça se passe bien. Je m'appelle Malora, je suis arrivé dans une villa, dans une ville grotesque. C'était plein de filas, des hommes vilains, je ne voyais pas vivre là. L'ivresse dans l'air pollué au cigar, hélas. Mais j'étais là pour ma famille, obligé de bosser. Donc de 23 à 6, je me vendais sur la chaussée à des types qui me donnaient la nausée pour faire des choses dégoûtantes. Et je n'osais pas crier SOS, peur que le patron allait me tuer. Donc je demeurais mon ego clôturé. Ça durait 4 années et je n'en peux plus. J'aurais 16 ans dans 2 mois et mon âme est perdue. Mon vécu est alourdi de tristesse et de peine. Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul dans cette arène aride? Mon cœur bat à peine, ma vie est épuisée, j'attends que les anges m'emmènent. I'm a slave, stuck on chains. Wish I could ease the pain. Ain't no way turning back for me. Still praying for a better day. Don't let them take my soul away. Why does the sky turn gray? Lord, I would like to stay. Locataires étaient assis à l'arrière d'un camion qui me transportait avec d'autres. Je ne savais pas où finalement, comment était la destination. Pas la grande ville est là, je me posais des questions. Une fois arrivé, cet arrêt de mes frères m'ont séparé sans pouvoir dire au revoir, sans être préparé. Je ne savais pas pourquoi on nous tapait, on nous frappait. Je ne savais pas où j'étais, mais c'est quoi qui se passait. Il s'avérait que les mecs qui menaient le voyage étaient des trafiquants d'enfants. Ils m'ont foutu dans une cage, là je travaille dans des plantes. Là j'entends qu'esclave, chaque jour me demandant si mes parents le savent. Étaient-ils conscients de qui était cet homme? Tant de questions, mais voilà ravager ma vie de môme. Je voulais juste bout de terre, famille et vie normale. Mais le destin m'a condamné à cette vie banale. I'm a slave, stuck on chains. Wish I could ease the pain. Ain't no way turning back for me. Still praying for a better day. Don't let them take my soul away. Why does the sky turn gray? Lord, I would like to stay. I don't wanna live my life this way. Je suis un grand géant, je viens de débarquer du nord. Je suis arrivé en Afrique à la recherche de l'or. Alors quand j'ai mis pied sur ce continent, je peux dire que j'avais fort mal calculé le contenu. Content de ma conquête, je me suis rendu compte que j'étais con à prendre autant d'hommes avec moi sans aucune raison. Des hommes, il y en avait partout dans les petits villages. J'ai rapidement appliqué les avantages de l'esclavage. La rage et la haine désormais portées par l'Afrique. Comme j'ai abusé ces femmes et manipulé ces ethnies, ont été transformées en espèces de combustible. De la même façon que de la vapeur mis en marche une machine, une usine géante comptant 12 milliards d'hectares, produisant le caoutchouc, l'or, les diamants et l'ivoire. Et c'est pas tout, j'ai aussi rencontré des belles femelles. Je les ai embarquées et envoyées direct son bordel. We've been trapped in a cage for so long. It's time for us to make a change and stop doing wrong. What the fuck is going on in this so cold world? I wish I could stop it all and that's my word. Every day, every night, many faces cry. But a lot of little kids get abused and die. Ain't nobody doing nothing about it. But I'm about to do something about it. And Jah, just give us the chance to work out our plans. Yo, the clock's ticking, time goes so fast. Whoa, a lot of men try to get their hands on. Take advantage of the lands they stand on. And obligate us all to execute their feudal commands. Using us as slaves, not assist the man. If I could scratch it all the way back to the past, I would never, ever let the good times pass. I'm a slave, stuck on chains. Wish I could ease the pain. Ain't no way turning back for me. Still praying for a better day. Don't let them take my soul away. Why does the sky turn gray? Lord, I would like to stay. Without the world, I live my life this way. I'm a slave, stuck on chains. Wish I could ease the pain. Ain't no way turning back for me. Still praying for a better day. Don't let them take my soul away. Why does the sky turn gray? Lord, I would like to stay. But I don't wanna live my life this way. Je suis maintenant avec Marie D'Autrepont. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Tu es avocate en outre spécialisée sur les droits des étrangers. Et arrive-t-il souvent que tu es en contact avec des MENA? Oui, donc moi en effet je suis avocate, je travaille chez Progress Lawyers Network et je suis en effet spécialisée en droit des étrangers, plus particulièrement en droit d'asile. Et donc forcément oui, dans ce contexte-là, j'ai régulièrement des clients qui sont des MENA, des mineurs étrangers non accompagnés. Ok, et qui sont un peu toutes d'origine ou tu es spécialisée pour des pays spécifiques? Non, il y a des enfants qui viennent de partout. J'ai une MENA afghane, mais qui n'a pas été reconnue comme MENA là, dans les dossiers que j'ai en cours. J'ai deux enfants qui viennent d'Albanie. J'ai eu des enfants éthiopiens et j'en ai encore un qui vient de quelque part à l'est. Et qu'est-ce que toi, comme avocate, tu fais pour eux? En général, moi, je suis consultée par les tuteurs et les tutrices qui cherchent un avocat pour leur mineur. Et donc, moi, j'envisage avec eux, généralement, donc, pour les MENA, ce qui a lieu de chercher, parce que la loi dit qu'il y a lieu de chercher, c'est une solution durable pour eux. Et en principe, la première chose qu'en tant qu'avocat, moi, j'envisage, c'est une demande d'asile, une demande de protection internationale, parce que dans l'immense majorité des cas, il y a quand même un lien avec un risque de persécution dans le pays d'origine. Donc je les accompagne en priorité dans l'introduction d'une demande d'asile, dans l'accompagnement de cette demande. Donc je prépare les auditions avec eux, je vais avec eux aux auditions, avec le tuteur, je vois s'ils ont besoin d'une assistance psychologique ou médicale, je m'assure que ça soit mis en place, etc. Éventuellement, je fais un recours quand c'est nécessaire. Et puis, il y a la situation aussi où l'asile est refusé, mais bon, ça c'est assez rare, où il n'y a vraiment aucun motif de faire une demande d'asile. Et là, il faut envisager un autre type de solution durable. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, ils vont avoir une protection particulière. Et donc, il faut profiter de cette période de temps, tant qu'ils sont mineurs, pour essayer de trouver une solution durable. Alors, c'est quoi la solution durable? Ça, c'est très, très variable. Nous, on va, en tant qu'avocats, les tuteurs, les tutrices, les avocats, on va généralement considérer que la solution durable, c'est de rester en Belgique, d'y obtenir un titre de séjour. Et donc, il y a aussi une deuxième procédure qui peut être introduite, qui est justement une demande de solution durable en Belgique. Mais pour ça, il faut démontrer que le mineur ou la mineure ne peut pas retourner dans son pays d'origine parce que, par exemple, il n'aurait plus de famille, il ou elle n'aurait plus de famille là-bas, ou bien parce que la famille qu'il y a ne serait pas en mesure de l'accueillir adéquatement. Et donc, il faut construire aussi toute cette procédure-là et l'accompagner là-dedans. Et tout ça se fait aussi avant ses 18 ans? Tout ça doit être fait avant ses 18 ans, parce qu'une fois qu'il ou elle est majeur, il n'y a plus de recherche de solutions durables à avoir, puisque la personne est devenue majeure. Et quelles sont les autres situations dites types où tu interviens comme avocate pour les MENA? Et donc moi j'interviens vraiment, c'est ce que je leur explique toujours, moi j'interviens vraiment comme pour l'aspect légal, pour leur expliquer les lois, les accompagner dans les procédures, et mon rôle s'arrête là. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tuteur ou une tutrice qui va les accompagner plus au niveau de leur scolarité, au niveau aussi plus psychosocio-affectif. Moi mon boulot c'est vraiment d'être la conseillère juridique. Et donc, je les accompagne dans les procédures et je mets en place aussi, mais ce que je disais, les suivis qui sont nécessaires pour appuyer les procédures. Parce que même si pour des enfants, pour des mineurs, la loi prévoit aussi qu'on doit avoir une approche plus atténuée des exigences en termes de preuves, de cohérence du récit, etc. Puisque en matière d'asile, le fait de fournir un récit cohérent, détaillé, chronologique, etc. est tout à fait central pour que les personnes obtiennent un statut de réfugié. La loi dit que pour les mineurs, on doit appréhender cette exigence de manière plus souple, mais dans la pratique, on voit que très souvent, on ne tient pas du tout compte de du jeune âge des mineurs et qui ne vont pas être capables de présenter un récit, etc. Et donc, moi, j'essaye, dans votre cas, de voir si je ne peux pas obtenir une attestation d'un ou d'une psychologue qui va pouvoir attester du fait que l'enfant a été traumatisé et donc a des difficultés à pouvoir exprimer de manière cohérente ses traumas, etc. Donc voilà, mon boulot, c'est vraiment le boulot juridique. Et tantôt, tu avais dit que tu avais une Afghane qui n'est pas reconnue comme MENA. Ça veut dire qu'elle est considérée comme majeure? Voilà, et donc c'est une jeune Afghane qui, d'après ses déclarations, est arrivée en Belgique quand elle avait 14 ans. A quitté l'Afghanistan quand elle en avait à peu près 14 ou 15 ans. Et pour moi, c'est évident qu'elle a... Enfin, maintenant, son affaire est en cours depuis longtemps, mais que quand elle est arrivée en Belgique, elle avait cet âge-là. Ça se voit dans sa danse, physiquement, dans la manière dont elle parle, dont elle agit, dans ses centres d'intérêt. C'est évident qu'elle n'est pas majeure. Mais il y a eu un triple test, un testage, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui, je voulais te poser la question. Oui, ben, il y a beaucoup à dire sur ces tests qui considèrent qu'elle a 20 ans, plus ou moins 2 ans, quelque chose comme ça. Alors que c'est évident, pour moi, c'est évident que ce n'est pas du tout correct. Et donc, ça a des conséquences dramatiques parce que ça veut dire qu'elle n'a, par exemple, elle n'a pas de tuteur ou de tutrice. Et donc, elle est en centre d'accueil avec des majeurs, elle est considérée comme majeure. Il y a des tas de conséquences de cette nature-là qui font qu'en fait, on ne sait pas faire grand-chose parce que le triple test, en fait, non seulement il est très problématique, mais c'est très très difficile d'avoir un recours effectif contre les résultats de ce test. Et donc, en fait, le test, il est pratiquement inattaquable. Et une fois qu'on a un âge qui est défini par ce test, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Donc malheureusement, on est dans une impasse. Et donc moi, j'avais essayé pour elle de trouver une solution un peu pratique avec les personnes du centre, en disant, mais est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un dans le réseau associatif qui peut prendre informellement ce rôle-là? Mais on en est réduit à des solutions bricolées de cette nature-là. Peux-tu expliquer de quoi s'agit-il ce triple test d'âge pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, pour déterminer le... Et qui décide que le test doit être fait? Voilà, alors c'est dès qu'il y a un doute sur l'âge, donc lorsque le mineur va faire sa demande d'asile à l'office d'étranger, il peut y avoir ou ne pas y avoir un doute qui est mis sur son âge. Et en cas de doute, le mineur doit se soumettre à un triple test qui est radio du poignet, de la mâchoire et le troisième, je me dis toujours, mais c'est un autre os qui est radiographié. Et en fonction des résultats de ce test-là, il va y avoir un âge qui va être attribué avec une marge d'erreur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que souvent la marge d'erreur est par exemple de 2 ans et ça va être 20 ans plus ou moins 2 ans. Comme ça, on est sûr que on est quand même 20 ans moins 2 ans, ça donne encore 18 ans, même pour des cas où ça semble vraiment complètement aberrant, comme cette jeune fille qui est vraiment une toute jeune fille, dire qu'elle a 20 ans, je veux dire, ça semble vraiment très très surprenant. Et alors ce que moi j'ai appris récemment, parce que j'ai fait une formation justement sur les MENA il y a peu de temps, c'est que l'ADN pouvait vieillir en cas de trauma jusque 6 ans. Donc ça veut dire que des enfants ou des personnes en général qui ont été traumatisées peuvent voir leur ADN et donc les résultats de la radiographie qui va aussi vieillir par rapport à leur âge réel de plusieurs années, justement parce qu'ils sont traumatisés. Par ailleurs, le problème aussi, c'est que ces triples tests ne prennent pas suffisamment en compte, sont basés sur des grilles qui sont établies pour certaines populations ethniques, une population ethnique caucasienne qui ne correspondent pas. Il y a un vieillissement des os qui est différent si on est d'origine africaine, asiatique, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de critiques au niveau scientifique sur la fiabilité de ces tests. Il y a toute l'interprétation des tests qui est aussi problématique. Et donc en fait, il n'y a vraiment rien dans ces tests qui est OK. Et c'est d'autant plus problématique que dans d'autres pays. Ces tests ont été abandonnés par exemple en Angleterre. Maintenant, ils se basent sur des tests psycho-affectifs où ils vont évaluer de manière générale la maturité de l'enfant, etc. Voilà, c'est en tout cas... Je pense que c'est erroné de se baser sur des tests qui sont soi-disant scientifiques et qui ne tiennent pas compte de tout ça. Et alors, c'est intéressant aussi parce qu'on a parfois des résultats qui sont surprenants. J'ai une collègue qui avait des tests qui avaient donné... Donc, elle s'occupait de 2 frères. Et les tests avaient donné que le grand frère était plus petit que le petit frère. Mais eux savaient bien, évidemment, dans quel ordre ils étaient. Et donc, voilà, des choses qui sont complètement aberrantes de cette nature-là. Ou même, au sein d'une fratrie, on peut avoir des résultats qui ne correspondent pas. Et bon, ce test est toujours appliqué encore en Belgique. Penses-tu que prochainement ça va changer? Malheureusement, je n'ai pas grand espoir parce que c'est une matière qui est très très politique. La question de savoir si les mineurs sont majeurs ou mineurs, c'est une question qui est très politique. Et donc le fait d'avoir un test qui est injuste, qui va avoir une marge d'erreur importante, qui va déclarer majeur de nombreux mineurs, ça a des répercussions en termes de politique. Enfin, ce sont des choix de politique migratoire, plus exactement. Et c'est pas, c'est pas avec les résultats des dernières élections qu'on peut espérer qu'on aille dans le sens d'une politique migratoire qui soit plus accueillante, plus humaine. Donc j'ai du mal à penser que, pour autant qu'on ait un jour un gouvernement fédéral, il aille dans le sens de quelque chose qui soit plus humain et plus juste vis-à-vis des migrants. Voilà, on peut retrouver dans notre société pas mal des idées, de fausses idées faites sur les migrants et aussi les MENA, etc. Et dont une est à propos des MENA, qui ce sont des jeunes envoyés par leurs entre guillemets mauvais parents vers l'Europe pour ensuite faire un regroupement familial. On peut s'imaginer que toi, comme avocate, tu es aussi confrontée à pas mal de préjugés venant de l'extérieur à propos de tes dossiers que tu suis et des fausses idées faites sur les intentions, que ce soit des jeunes ou des parents lointains. Des familles, tu veux dire, qui envoient leur mémoire, ouais. Quelles sont les intentions? Le problème, c'est qu'il y a, disons qu'il y a autant de situations que de réalité familiale pour les MENA. Je pense qu'il y a vraiment plein de cas assez différents. Je pense que dans certains cas, en effet, il y a des enfants qui sont envoyés en éclaireur. Maintenant, ça serait assez long de devoir répondre à cette question en une minute. C'est assez compliqué parce que ça implique de réexpliquer, de déconstruire tellement de choses sur pourquoi est-ce qu'on migre, pourquoi est-ce qu'on envoie son enfant sur les routes de l'exil, est-ce qu'on a un mauvais parent, est-ce qu'on est désespéré, est-ce que... voilà, je pense que la question est en tout cas très complexe et que c'est certainement pas de gaieté de cœur ou simplement dans la recherche d'un Eldorado européen qu'on envoie son enfant en sachant qu'il risque la mort. Que dans plein de cas aussi, la question de la solution durable, l'Office des étrangers essaye toujours de voir dans quelle mesure il n'y a pas moyen de renvoyer l'enfant dans son pays d'origine, dans sa famille, et que très vite on va considérer qu'en fait, dès lors qu'il a encore vaguement un parent à la limite dans un hôpital psychiatrique, ça suffira pour qu'il puisse le prendre en charge. Donc c'est aussi quel parent, ça veut qu'est-ce dire, qu'il reste comme parent. Ça veut dire qu'il y a des expulsions de MENA qui se font. Alors, c'est pratiquement assez compliqué. Autre terme. Ah oui, c'est une reconduite puisqu'on ne peut pas expulser un MENA. Et donc, théoriquement, le tuteur doit raccompagner ou la tutrice doit raccompagner le MENA jusque dans son pays d'origine. Alors, dans la pratique, moi, j'ai entendu une tutrice qui avait fait ça une fois avec une jeune marocaine. Évidemment, dans la pratique, ça ne se fait pas très, très souvent. Mais ça n'empêche que les enfants et plus tard les jeunes adultes vont se retrouver sans titre de séjour. Et les tuteurs ou la tutrice, elle n'a pas le droit de refuser ça ? Bah, dans la pratique, ça se fait donc assez peu, c'est bien, parce que les tuteurs et les tutrices refusent de le faire. Mais théoriquement, c'est en effet un ordre de reconduite, parce que pour un enfant, que ce soit un mineur étranger non accompagné, être accompagné ou non accompagné, mm-hmm. il n'y a pas un de quitter le territoire, mais il y a un ordre de reconduite. Et c'est la personne qui a l'autorité parentale sur l'enfant qui doit l'exécuter, donc le parent ou à défaut d'un parent, le tuteur ou la tutrice. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. La question du regroupement familial avec des mineurs, elle reste très très compliquée parce que forcément, dans la majorité des cas, quand ils ont encore une famille qui voudrait bien faire venir ici, il faut déjà qu'ils obtiennent, donc une fois qu'ils ont obtenu leur statut, il faut encore qu'ils l'aient obtenu à temps, c'est-à-dire avant leur majorité. Et puis, que leur famille réunisse une série de documents qui sont très très compliqués à réunir. Et alors, ce qui est très très pervers dans cette législation sur le regroupement familial, c'est que c'est uniquement les parents et les frères et sœurs mineurs qui peuvent venir regrouper le MENA, et donc pas les frères et sœurs majeurs. Donc il suffit qu'il y ait une sœur ou un frère qui ait 18 ans pour qu'en fait toute la famille puisse venir ici, sauf le grand frère ou la grande sœur. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut le laisser là-bas émigrer avec le reste de la famille pour venir rejoindre le MENA, ou est-ce que finalement la famille préfère rester pour ne pas abandonner, ou un des deux parents? Dans tous les cas, ça aboutit à des solutions qui sont déchirantes, où les familles sont mises face à des choix qui sont tout à fait cruels, dans l'hypothèse où ils arrivent à introduire une demande de regroupement familial qui soit complète et qui soit dans les temps. Donc c'est pas du tout si simple de tenir un regroupement familial, malheureusement, même pour un MENA qui est reconnu réfugié. Ça reste un parcours du combattant. Merci beaucoup pour les infos juridiques données. Bonne continuation à toi. Merci. Et au MENA. Merci. Merci beaucoup. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom, the key. We then the key them to life. Let's beat them. We them smartphones, don't beat them. Bonjour, bonjour Amélie et Camille, avec qui je suis maintenant ici au Hub et je vous passe directement la parole à vous deux pour vous présenter et expliquer un peu le contexte de votre travail qui va clarifier très vite pourquoi vous êtes nos invités très chers de notre petite émission radio autour de la thématique des MENA. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Amélie Caillon, je travaille à SOS Jeunes, je suis travailleuse sociale. Donc SOS Jeunes, c'est une AMO, Action en milieu ouvert, qui n'est pas mandatée. Et donc on fait de l'hébergement à XL, où on accompagne aussi tout jeune, vulnérable, belge, non-belge. Voilà, peut-être que Camille, tu peux plus expliquer cette partie-là. Oui, bonjour, moi c'est Camille, donc je suis aussi travailleuse sociale à l'AMO SOS Jeunes. Donc effectivement, on a une AMO, on travaille sans mandat et on travaille des jeunes de 13 à 22 ans. On les accompagne dans tout type de difficultés et on a un pôle hébergement parce qu'on a une AMO 24/24. Et donc ça nous permet, en plus du travail que l'on effectue en journée avec les jeunes, d'avoir l'outil hébergement qui nous permet d'héberger des jeunes quand ils ont des difficultés familiales, scolaires, qui sont en rupture ou qui sont en errance, qui n'ont pas nulle part où aller. Donc voilà, donc ça c'est le travail global qu'on fait avec les jeunes, et on a développé un projet particulier qui s'adresse spécifiquement au MENA. Et on a construit ce projet autour de trois axes. Ces trois axes sont d'une part le premier accueil des MENA, que Amélie va développer plus particulièrement. Ensuite, on a le deuxième axe. Voilà, on reçoit les MENA quand ils sont en Belgique, qui rencontrent peut-être des difficultés dans leur centre, et on y reviendra après. Et ensuite, quand les jeunes arrivent à presque 18 ans, voir un petit peu quelles sont les possibilités pour ces presque plus MENA d'évoluer en Belgique ou ailleurs. Au niveau des trois axes, on va vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est. Alors, donc, comme disait Camille, le premier axe, c'est... vraiment au tout début, quand les MENA sont pas encore signalés et qu'ils arrivent en Belgique ici. Donc pour ces MENA-là, nous on est présents dans différents endroits pour vraiment aller vers eux et essayer de créer un lien de confiance pour pouvoir les informer justement sur leurs droits, sur les possibilités pour eux en Belgique ou ailleurs en Europe. Donc voilà, on est présents au hub humanitaire. Là, on est présente actuellement, toutes les trois. Donc, le Hub Humanitaire, c'est un consortium d'associations où il y a Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge, la Plateforme Citoyenne et nous, donc SOS Jeunes. Donc voilà, c'est un endroit où les migrants en transit peuvent venir tous les jours, sauf le mercredi, samedi et dimanche. Ils ont accès aux premiers soins de santé. Il y a des psychologues, il y a distribution de vêtements. Ils peuvent téléphoner aussi... à leur famille dans d'autres pays ailleurs qu'en Europe. Et donc nous, ici, on est présents vraiment pour justement essayer d'accrocher ces jeunes. Donc c'est soit les médecins ou les psychologues qui nous réfèrent ces jeunes, soit des jeunes qui viennent d'eux-mêmes, soit nous qui allons dans les salles communes, là où les jeunes chargent leur téléphone pour essayer de discuter avec eux. Donc on est présent au Hub, on est présent aussi au Parc Maximilien. Voilà, on y va de temps en temps pour essayer de rencontrer ces jeunes aussi, et dans des hébergements collectifs de la plateforme citoyenne également. On informe ces jeunes, mais souvent avant l'information, ces jeunes viennent avec des demandes, des besoins, et donc on essaye d'y répondre tant bien que mal quand c'est possible. Donc les demandes sont variables. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être des lessives, ça peut être de l'aide pour des démarches administratives telles que l'aide médicale d'urgence. Voilà, c'est plein de besoins différents. Voilà, c'est parfois compliqué d'y répondre parce qu'il y a beaucoup de jeunes et il n'y a pas toutes les institutions, les organisations qui sont présentes à Bruxelles pour répondre à tous ces besoins, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait comme travail au niveau des mineurs en transit. Et après, on reçoit un public un petit peu différent qui nous est orienté via d'autres biais. Là, on a des appels de la police, du SAMU social, de tuteurs parfois. Et là, ce sont des jeunes ou du service de tutelle qui viennent d'arriver en Belgique et qui viennent plutôt des pays du Maghreb et qui soit ne connaissent pas leurs droits en Belgique, ou alors ont déjà un parcours migratoire en Europe et viennent d'arriver en Belgique et aimeraient en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils peuvent faire ici, est-ce qu'ils ont envie de rester, est-ce qu'ils peuvent demander l'asile, de quelle manière, comment. Et voilà, ces jeunes-là, c'est un public qu'on reçoit plutôt à SOS Jeunes. C'est un public souvent qui est en demande d'hébergement parce que ce sont des jeunes qui n'ont nulle part où aller. Et aussi, on répond à des besoins plutôt primaires, de type lessive, nourriture, repos, avant de pouvoir justement donner accès à cette information. Et après, on essaye de les orienter au mieux vers des structures qui pourront les aider au niveau de leur parcours et en fonction du choix qu'ils vont faire, s'ils souhaitent rester ici ou aller ailleurs. Mais ça veut dire alors, c'est des MENA qui ne sont pas encore signalés, mais malgré qu'ils ne sont pas encore signalés, c'est la police ou les services de tutelle qui vous contactent? Ça peut arriver, effectivement. Ah ouais. Ouais, okay. Ça peut arriver. Parfois, c'est aussi parce qu'il est très tard le soir et que le service de tutelle ne peut pas répondre immédiatement à la demande. Et donc, voilà, c'est juste le temps de répondre à une nuit d'urgence. Et puis après, le lendemain, on recollabore avec le service de tutelle. Et puis, c'est aussi parfois le souhait du jeune de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire. Et ça, nous, on a la chance de pouvoir avoir l'espace de laisser du temps aux jeunes de réfléchir avant de prendre une décision. Est-ce qu'on a tout dit au niveau du premier accueil? Oui, peut-être. J'ai oublié de spécifier que les jeunes qu'on voyait plus au Hub Humanitaire ou au Parc Maximilien ou dans les hébergements collectifs, c'était des jeunes majoritairement des Érythréens, des Éthiopiens et des Soudanais. Voilà, la plupart ont 17 ans. Voilà, c'était juste, j'ai oublié de spécifier le profil des jeunes. Et comment expliques-tu, ou comment on peut expliquer que c'est surtout des jeunes de ces pays-là? C'est parce que c'est en particulier ces jeunes-là qui sont en transit, ou c'est la situation politique du pays? C'est effectivement la situation politique du pays, et l'objectif de ces jeunes est de rejoindre l'Angleterre. La plupart, parce que la plupart sont anglophones, la plupart ont du réseau et de la famille en Angleterre, donc effectivement la Belgique est un pays de transit pour eux. C'est pas le cas de tous les jeunes, mais donc ça c'était vraiment le premier axe, qui est du premier accueil, vraiment expliquer aux jeunes quels sont leurs droits, leurs possibilités, et on doit dire que c'est la majorité quand même de notre travail qu'on fait à SOS Jeunes. Après, on a deux axes qu'on a essayé de développer. Il y a la possibilité pour des jeunes MENA qui sont signalés, qui sont en centre, qui ont déjà un tuteur, de pouvoir venir souffler chez nous pour une semaine. Enfin, pour, ça dépend un peu de la durée en fonction de ce que le jeune a besoin. Au moyen d'un hébergement, de souffler peut-être parce que le jeune rencontre des difficultés dans son centre d'accueil ou rencontre des difficultés dans la famille d'accueil, si le jeune est placé en famille d'accueil, ou alors si le jeune a été renvoyé d'une structure ou a été exclu temporairement d'une structure. On peut renvoyer un jeune d'une structure d'hébergement? On peut renvoyer temporairement le jeune. Au niveau des renvois définitifs, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais on peut effectivement exclure des jeunes pour des problèmes de comportement. Puis il y a aussi parfois la disponibilité des centres. Parfois, c'est juste des transferts, mais le centre n'est pas disponible tout de suite. Donc, on peut être cet espace de... ce sas d'attente, on va dire, avant que le jeune ait un autre centre. Et donc, c'est offrir cette possibilité de time-out. On l'a nommé comme ça. Pour que le jeune puisse se poser, qu'on réfléchisse ensemble avec les différents acteurs qui l'entourent, que ce soit le tuteur, le centre, les éducateurs, voilà... à comment on peut faire pour que le jeune se sente bien, soit de retourner dans un centre, soit d'aller dans un autre centre, comment est-ce qu'on peut travailler ces difficultés. Donc voilà, c'est offrir cette possibilité-là de se poser un petit peu. Ça, c'est pour la deuxième phase, on va dire. Et au niveau de la troisième phase, c'est, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont un parcours en Belgique, qui sont en Belgique depuis un petit temps, mais qui, malheureusement, vont recevoir un négatif. C'est la possibilité de pouvoir voir un petit peu avec ces jeunes comment est-ce qu'on va envisager l'après 18 ans. Alors, si on viendra sur la question d'expliquer un peu quelle est la situation actuelle des MENA en Belgique et qui sont ces MENA, on peut distinguer différents profils de MENA. Il y a des MENA qui veulent rester en Belgique, il y en a d'autres MENA qui sont en transit, qui veulent partir en Angleterre, en Grande-Bretagne, et il y en a d'autres qui sont dans un flou. On va parler au niveau des migrants en transit, des mineurs qui veulent aller en Angleterre. Oui. Il y a des filles. Il y en a moins que les garçons. Au tout début de l'année, on avait énormément de mal à les accrocher, donc on pensait qu'il y avait beaucoup moins de filles que ça, que ce qu'il y en avait en réalité. Mais il y a des filles qui sont au parc Maximilien et qui essayent d'aller en Angleterre aussi. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de les accrocher, ces filles. Elles sont moins accessibles et donc... voilà, notre enjeu, notre défi principal, c'est essayer d'accrocher ces filles. Donc voilà, au hub humanitaire ici, on y arrive petit à petit. Voilà, via la sage-femme, via la salle d'attente qui est dédiée aux femmes, via au focus group qui se déroule le mercredi après-midi aussi ici avec Médecins Sans Frontières, où on est présente et on est là en mode informel. Donc voilà, il y a des filles, donc plus... pour les mineurs en transit érythréennes et éthiopiennes. On voit peu de soudanaises, voilà, à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai qu'il y a une majorité de garçons, et au niveau des âges, on est plutôt sur des 16-17 ans, les jeunes qu'on rencontre. Au niveau, donc ça c'est plus pour les mineurs en transit, au niveau des MENA, comment est-ce qu'on peut les nommer, les MENA en errance, donc qui sont un peu plus sans réel projet d'avenir. Là, le public qu'on reçoit, en tout cas, c'est une majorité de garçons, quasi pas de filles, voire pas du tout. Et on est aussi sur des grands mineurs, 16-17 ans. Et pour les... voilà, il y a des exceptions, évidemment. Parfois, on a des très jeunes, mais on est quand même sur une majorité de garçons de 16 ans. Vraiment. Et de quelles origines? Là, on est plus sur Algérie, Tunisie, Maroc. tous les pays du Maghreb. Le fait qu'ils sont en errance peut s'expliquer aussi sur le fait que leur chance d'obtenir une demande d'asile positive est moins chanceuse que dans d'autres pays où il y a, par exemple, un grand conflit armé. Oui, bien sûr. Bien okay. sûr, ça s'explique totalement. Tout en sachant que les mineurs qu'on voit au parc, la plupart ont l'idée que la Belgique ne donne pas facilement les papiers. Et c'est une des raisons qui fait qu'ils veulent aller en Angleterre, là où ils pensent qu'ils vont avoir les papiers plus rapidement et plus facilement. Et donc voilà, même les mineurs qui pourraient répondre à la Convention de Genève et avoir le statut de réfugié en Belgique, même ceux-là, pour la plupart, veulent aller en Angleterre. Donc c'est aux alentours de 70% des jeunes qu'on a rencontrés depuis le début de l'année. 70% de ces jeunes veulent aller en Angleterre. Et pourtant, ils pourront avoir une demande d'asile plutôt favorable pour la Belgique. Ça dépend de chaque situation et on ne peut pas se positionner par rapport à ça. Et ça dépend comment le jeune raconte son histoire à l'interview, comment il la prépare, qu'est-ce qu'il a vécu au pays, est-ce qu'il répond aux critères de la Convention de Genève, etc. Si le jeune est reconnu mineur, s'il est reconnu mineur aussi. Donc voilà, il y a beaucoup trop de facteurs et non, la Belgique ne donne pas le statut de réfugié à tous les demandeurs d'asile, donc c'est pas automatique, mais en tout cas, c'est l'idée que la plupart de ces mineurs se font ici en Belgique, de ces mineurs en transit. Voilà, ils ont l'idée que la Belgique ne donne pas les papiers. Et tantôt, quand tu as dit des filles moins accessibles, tu expliqueras ça comment? Pourquoi moins accessibles? Moins dans la rue ou plus dans la méfiance, dans le premier contact? Donc avant que le hub humanitaire soit ici, le long du canal, on était à la gare du Nord et il n'y avait pas d'endroit spécifique pour les femmes. Donc elles étaient autour d'une table, dans la même salle que les hommes. Qui était la salle d'attente. Et pour nous, c'était très compliqué d'aller s'asseoir à cette table et de commencer une discussion parce que, voilà, elles sont en groupe, elles sont soudées et donc, dans ce sens-là, un peu moins accessibles, elles vont moins être à l'écoute ou dans la confiance directement. Tandis que maintenant, avec le temps, on est de plus en plus visible aussi aux yeux des différents professionnels, au-delà de la salle d'attente. Et donc, par exemple, la sage-femme ou le médecin va plus nous référer des filles, on va venir dans son bureau et donc on va avoir un contact direct et individuel avec ces filles, qui fait que la confiance va se développer d'une manière différente. Elles vont avoir plus confiance et on va pouvoir, via un accompagnement à l'hôpital ou au planning familial ou chez la gynéco, être plus dans l'informel avec ces filles. Et donc, un lien va se créer différemment. Et donc aussi, par rapport à la salle d'attente dont je parlais tout à l'heure, il y a une salle d'attente au premier étage dédiée aux femmes et donc un espace plus grand où il y a des canapés, l'ambiance est plus cool, plus relaxe et donc ça nous permet aussi de développer des liens différents avec ces femmes. On peut entendre maintenant dans ta explication qu'il y a pas mal de accompagnement sur la santé sexuelle, mise en place des filles. Ça veut dire qu'il y a aussi un besoin. On peut vite faire la conclusion qu'ils sont aussi vite ciblés de violences sexuelles pendant leur parcours migratoire. C'est ça. Et depuis, les filles érythréennes et éthiopiennes qu'on voit, pour la plupart, sont passées par la Libye et sont restées un petit temps, que ce soit plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, on sait très bien qu'en Libye, il y a des emprisonnements, des abus sexuels. Et les filles sont fort concernées par ça, les garçons aussi, mais les filles sont beaucoup touchées par ça. Et puis, ça continue aussi en Europe, que ce soit au parc Maximilien ou via les parkings lorsqu'elles essayent d'aller en Angleterre, via les passeurs ou autres. Voilà, ça reste des personnes fort vulnérables, même en Belgique, même à Bruxelles. Et donc, oui, nous, on fait des accompagnements de temps en temps pour des filles, soit qui ont connu des abus sexuels en Libye et donc, elles arrivent en Belgique, en Europe, elles sont toutes nouvelles en Europe et donc elles veulent voir un gynéco ou procéder à un IVG, etc. Elles ont besoin de soutien. Mmh. Et donc, que ce soit des actes qui se soient passés en Libye ou en Belgique, on est là pour les soutenir. Mais oui, en effet, c'est un public fort vulnérable. Et quelles sont les typiques difficultés que, par exemple, là, tantôt, quand tu as, Camille, quand tu as expliqué l'axe pouvoir venir souffler un peu chez vous à SOS Jeunes à cause de renvois temporaires pour des comportements pas appréciés au centre, c'est quelque chose de très répétitif. C'est sûr que c'est difficile pour des jeunes qui sont adolescents. Il ne faut pas oublier aussi que c'est des adolescents, de vivre dans des centres où il y a énormément de jeunes. Des jeunes qui ont tous un parcours différent, qui ont des fragilités différentes et qui, probablement, des traumatismes dus à leur parcours migratoire. Et il y a parfois de l'incompréhension due peut-être à une certaine forme de choc culturel. Il y a de l'incompréhension par rapport peut-être à la lenteur des démarches, par rapport à la lenteur du projet dans lequel ils s'inscrivent. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de remaniements qui font que ça peut être compliqué pour le jeune à un moment donné, en plus du moment de l'adolescence dans lequel il se trouve. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés identitaires, mais en plus de ça, nous ce qu'on voit le plus sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment des difficultés au niveau des besoins primaires. Mmh. Voilà, la plupart de nos jeunes ont des besoins primaires qui ne sont pas remplis, à savoir simplement un lieu où ils peuvent dormir, un lieu où ils peuvent se doucher, un lieu où ils peuvent manger, se poser. Voilà, ils sont tout le temps dans du mouvement, dans un mouvement constant, et en même temps, ils stagnent parce qu'ils restent ici. Il n'y a pas vraiment c'est compliqué d'aller en Angleterre, c'est compliqué de se décider à aller dans un centre ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que voilà, pour ces jeunes-là, c'est assez... Oui. C'est les difficultés moi, que j'identifie. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Une des difficultés qu'ils rencontrent majoritairement pour les mineurs qui veulent aller en Angleterre, c'est les interactions avec la police. Quand ils essayent d'aller en Angleterre, il y a des contrôles policiers, que ce soit dans les trains, sur les parkings, à Calais, à l'arrivée au port au nord de la France. Et donc, c'est des jeunes qui sont souvent avec des amis à eux majeurs. Et donc, dans le tas, la police ne fait pas forcément la différence entre mineurs, majeurs, ou alors dans un second temps. Et donc, on est souvent en contact avec des jeunes qui nous appellent depuis les centres fermés ou depuis les parkings ou depuis les commissariats de police. Donc voilà, c'est des difficultés que ces mineurs rencontrent aussi. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui passent parfois des mois en centre fermé à tort parce qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs à la base. En France ou en Belgique ou les deux? Les deux. En Europe, Les jeunes qui nous appellent majoritairement, c'est des jeunes qui sont en centre fermé en Belgique, que ce soit au 127 bis ou à Bruges. Mais il y en a aussi en France. C'est interdit d'enfermer un mineur en Belgique. La Belgique a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà, même s'il veut pas, même s'il dit qu'il est majeur ou qu'il ne se reconnaît pas comme mineur, finalement, il est quand même en centre fermé et ça reste un enfant qui est emprisonné et ce n'est pas légal. Cette misère, je t'en prie, aide-moi à passer cette frontière. Je suis habitant de cette terre. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. War einsam, als hier ankam. Kam mit leeren Händen, weil sein Haus abgebrannt war. Fühlte sich hier fremd, war von Beginn an gebrandmarkt.

de voir, enfin, de comprendre sa vulnérabilité, de comprendre ses besoins, son projet. Mmh. Et donc avec l'accord du jeune, on transmet la parole du jeune aux autorités. Et donc Caritas est un peu l'intermédiaire entre le jeune et nous et les autorités, dans le sens les autorités comme le service de tutelle, le service de tutelle et fait d'asile. Mmh. Mmh. Ouais. Ou par exemple un jeune qui a vraiment besoin d'un centre où il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc qui va plus être envoyé à SAM ASBL ou Synergie 14 dans un premier temps, et bien Caritas va faire la demande auprès de Fed d'asile en expliquant le pourquoi ce jeune a vraiment besoin d'un centre plus petit plutôt qu'un COO. Et donc voilà, on a ces collaborations comme ça qui se font petit à petit. Et on se rend bien compte que Fed d'asile, voilà, essaye aussi d'être à l'écoute de ses besoins spécifiques et des vulnérabilités spécifiques de certains jeunes. Voilà. Okay. Et ce n'est pas possible pour tout le monde et tout le temps, mais voilà, il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Mm-hmm. Juste pour revenir, peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est un COO ? Ah oui, pardon. Un COO, c'est un centre d'observation et d'orientation. Donc, c'est la première phase d'accueil pour un mineur qui est signalé. Donc, des COO, il y en a 3 ou 4. Mm. Oui, il y en a 3 à Bruxelles, en tout cas. Un à Neder-Overenbeek, un à Steenhuyzen et un à Woluwe. Et donc, ces jeunes sont envoyés pendant un mois et demi dans ces centres. Et donc, pendant cette période-là, il y a des éducateurs et des assistants sociaux qui sont présents dans ces centres. Et donc, ces travailleurs essayent de voir d'observer ces jeunes et de voir vraiment leurs besoins, leurs vulnérabilités pour pouvoir les orienter dans des centres adaptés à plus long terme. Et c'est aussi pendant cette période-là de un mois et demi, si jamais il y a eu un doute sur l'âge du jeune, ben c'est pendant cette période-là où le jeune va aller à l'hôpital pour faire le test d'âge, va attendre sa réponse, etc. Donc il y a aussi la traite. Le but de ces centres aussi, c'est de s'assurer que les jeunes ne sont pas dans des réseaux de traite des êtres humains. Et donc, c'est aussi d'identifier s'il y a des acteurs liés à la traite autour de ces jeunes et de voir comment les orienter au mieux après, si ces jeunes ont besoin de protection ou pas. Il y a aussi cette dimension-là qui entre en compte dans le travail des CO. Et toi, Camille, tantôt, tu as parlé du testage, que c'est aussi pendant le temps au CO, s'il y a un doute sur l'âge exprimé du MENA. Que peux-tu nous dire à propos de ce testage? Nous, on constate qu'effectivement, c'est une réelle barrière dans notre travail parce qu'on essaye d'accrocher les jeunes et de leur proposer un accueil en Belgique. Il y a de nombreuses fois où on se dit, ces jeunes, c'est vrai que ils ont pour idée d'aller en Angleterre, mais finalement, ils n'ont pas tellement de réseau. Et voilà, ils pourraient totalement, s'ils le souhaitent, rester ici. Mais on applique un test d'âge qui est un tri-test osseux. Et ça arrive très souvent que les résultats de ce test annoncent des âges supérieurs à l'âge déclaré par le mineur. Et donc, c'est vraiment très, très compliqué pour le jeune. Parce qu'il y a aussi, au niveau identitaire, il dit « mais je connais mon âge ». Et on lui annonce un autre âge, donc là il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a aussi tout à fait une désillusion en la confiance qu'il a pu donner à des travailleurs sociaux de première ligne comme nous. Donc c'est vrai que ce test d'âge est un vrai frein parce qu'on essaye d'accrocher les jeunes, mais avec cette barrière, de dire que potentiellement il pourrait y avoir un test d'âge, et qui dit test d'âge, si le jeune est déclaré majeur, il pourrait être envoyé dans le premier pays, créé en Europe, s'il a donné ses empreintes. Donc ça complique vraiment tout à fait la procédure et le travail avec les jeunes. Sachant que les jeunes et les moins jeunes se parlent entre eux, que ce soit depuis l'Angleterre, depuis la Belgique. Et donc, voilà, ils savent aussi qu'en Angleterre, il n'y a pas de test osseux. Médicalisé, c'est ça. Ouais. C'est des travailleurs sociaux qui font un entretien avec les jeunes. Et donc, les feedbacks que les jeunes ont de l'Angleterre, c'est que justement, la plupart des mineurs qui ont dit qu'ils étaient mineurs en Angleterre n'ont pas eu de doute sur leur âge. Donc voilà, c'est aussi une difficulté en plus qu'on rencontre ici en Belgique, quoi, ce test d'âge. Et du coup, ça devient, comme vous deux vous avez expliqué, vraiment un obstacle dans la prise en charge autour des MENA et les directives qui sont données par les autorités belges. C'est un obstacle, c'est sûr. Avant même que le jeune commence son parcours, le parcours est déjà fastidieux ici en tant que MENA, en tant que jeune qui vit seul et qui évolue seul. Et même avant de commencer ce parcours, il y a déjà cet obstacle-là. Donc c'est compliqué, ouais. Ouais. Et du coup, on se retrouve face à des jeunes qui sont là depuis des mois et qui hésitent, mais en même temps, qui reviennent vers nous souvent en disant mais vraiment, je suis jeune. Enfin, voilà, qui reviennent toujours avec cette question de l'âge. Et c'est clairement un des facteurs qui fait qu'ils ne demandent pas l'asile ici en Belgique et qu'ils essayent d'aller en Angleterre. Qui prennent des dangers, qui prennent des risques du coup en passant en Angleterre. Ouais. Et c'est pour la plupart des jeunes que l'on rencontre ici au Hub, c'est des jeunes qui n'ont plus de papiers. Donc on ne peut même pas essayer d'appuyer leur âge via des papiers. Parfois on essaye au pays d'obtenir quand même des papiers, mais ça prend énormément de temps. La situation du pays fait souvent que c'est très compliqué au niveau des administrations et tout ça, d'envoyer des papiers qui prouvent l'âge. Et parfois, ces papiers ne sont pas totalement validés non plus par les autorités ici. Donc, c'est compliqué. En tout cas, ça ne nous aide pas dans notre travail de mise en lien avec les jeunes quand on leur explique le test d'âge. Voilà, ça ne nous aide pas à les mettre en confiance, quoi. Bon, vous avez déjà cité quelques points, mais qu'est-ce que pourra aider plus dans votre travail pour un meilleur accompagnement pour les ménages? Des structures plus adaptées à des besoins spécifiques de certains jeunes. Il y a aussi tout le volet santé mentale qui est compliqué. Je crois qu'en Belgique, on est très démunis par rapport à cette question-là. Et ça, c'est une question qui revient systématiquement dans les réunions au sujet des ménages. C'est vrai qu'on est, voilà, on est fort démunis par rapport à la santé mentale des jeunes. Un MENA avec des soucis de santé mentale, il peut s'adresser à qui pour un suivi? Il y a des structures qui existent pour les mineurs non accompagnés. Oui. Après, parfois, il y a des spécificités dans certaines structures où il faut quand même que le jeune soit dans un processus de demande d'asile ou pas. Ça dépend un petit peu, mais... et les services en question sont, je crois, surchargés de travail. En tout cas, la plupart des MENA se trouvent dans des centres en dehors de Bruxelles et la majorité des services de santé mentale se trouvent à Bruxelles. Donc ça, c'est aussi compliqué de se dire, pour un jeune qui doit aller voir son psy une fois par mois ou semaine, une fois toutes les deux semaines, de faire plusieurs heures de trajet. Ça, c'est aussi une difficulté. Mais il y a par exemple Exil qui existe, qui travaille avec les mineurs, Ulysse. Entre autres. Voilà, ça, c'est, je crois, les partenaires principaux. Il y a MSF aussi qui fait un réel travail ici au Hub. Ouais, mais ça, c'est plus pour les mineurs qui ne sont pas signalés. Mm-hmm. Et voilà, pour les migrants en transit vers l'Angleterre, de manière générale. Et sinon, oui, un des projets, des initiatives qui serait bien de mettre en place, c'est un centre d'accueil inconditionnel pour ces mineurs qui, justement, ne veulent pas signaler ou sont en réflexion par rapport à leur projet. Ils hésitent entre la France, la Belgique, l'Angleterre. Donc voilà, un centre où il y aurait un peu tous les services présents et qui leur éviterait justement de se déplacer dans Bruxelles et prendre des risques. Par exemple, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait un psychologue, qu'il y ait des lessives, qu'il y ait un hébergement. Voilà, tous les besoins en fait qu'on retrouve quand on rencontre ces jeunes. Ce serait l'idéal d'avoir un centre d'accueil inconditionnel où il n'y ait pas d'obligation de signalement pour ces jeunes. C'est assez optimiste, non, l'idée que ça pourra s'appliquer un jour ici, parce que c'est lié avec des frais et des frais qu'un gouvernement ne voudra peut-être pas prendre en charge et que les différents ministères pourront se passer un peu la patate chaude. Est-ce que ça fait partie de l'aide à la jeunesse ou est-ce que c'est plus la politique migratoire, les affaires étrangères? Après, il n'y a pas que nous qui pensons ça, et donc c'est peut-être optimiste, mais il y a quand même un large panel d'acteurs qui partagent le même avis que nous. Et c'est basé sur l'idée que normalement, des mineurs doivent être protégés ici, en Belgique. Et donc voilà, là, on demande juste un hébergement. Merci énormément pour votre temps consacré. Et on mettra aussi des liens pour plus d'informations. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.